A one, a two, a one, two, a one, two, three, four. Donc salut, comme tous les dimanches, Lost in Space sur Radioactive. La Lost in Space un peu particulier ce soir, car nous allons être plein, cinq, ça fait déjà plus que d'habitude. Et donc les quatre membres de Bender, super groupe du coin dont on vous a déjà passé pas mal de morceaux, avec qui on va avoir l'occasion de discuter pendant toute cette émission, et qui vont nous raconter plein de choses intéressantes. Et voilà. Et donc, le cinquième, ça sera moi-même, comme d'habitude. Et donc, on va commencer. Qui parmi vous veut commencer à dire un petit coucou? Salut à tout le monde. Ouais, on peut tous dire coucou en même temps aussi. C'est genre 3, genre 1, 2, 3. Coucou! Eh, hey, salut! Ah, ça fera un vrai générique pour la suite après. Bon, alors, Bender, comment vous définiriez le style musical? Ça, c'est la question. On essaierait de ne pas le définir, je pense. On joue un genre d'hybride entre du punk rock, du rock psychédélique, mais en mélangeant tout ça et parfois sans les mélanger. Ah, c'est puissant déjà. Là, ça met le niveau assez haut pour l'émission. Non, c'est vrai qu'on a un peu renoncé à essayer de... On a un petit peu renoncé à essayer de vraiment qualifier la musique qu'on jouait, parce que c'est toujours la misère, hein. Comme l'a dit Davy, hein, c'est un mélange de rock psychédélique, de punk rock, il y a un petit peu de pop là-dedans, il y a des trucs plus grungy, enfin c'est assez varié. Au final, on essaie de faire quelque chose d'assez varié, d'un petit peu protéiforme. Ouais. Moi, quand on pose la question, je réponds qu'on fait du rock bizarre. Oui, c'est bien, ça résume tout aussi, hein. C'est concis. Bah oui, parce qu'en plus, le rock, c'est quand même devenu un truc fourre-tout. Donc, tu vas avoir des espèces de baltringues qui vont appeler ça rock'n'roll et des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, effectivement. Bizarre, c'est bien pour préciser comme ça. Ouais, rock bizarre. Non, ça colle. J'aime bien aussi. Ouais. Alors, si on devait écouter un morceau qui vous semble le plus représentatif, ça serait lequel? Alors, ça, c'est une question bien difficile. Ça. Je pense qu'on aura tous un avis différent. Ouais, on a toujours à peu près des... Il faudrait passer un album entier. Ouais, en fait, c'est vrai que le truc le plus représentatif, ce serait peut-être ça. Ce serait de passer un album, mais évidemment, on peut pas passer un album. Donc, on n'a pas le temps. Je pense que le morceau Precognition, c'est le dernier clip qu'on a fait. Il est dans le dernier album, Gathering the Wine. Et on passe un petit peu par toutes les émotions. Je pense que Precognition, ce serait. Ouais, c'est un des plus variés dans l'ensemble. Eh ben, allez, c'est parti. We'll be right back. Bon alors, ce premier, comment vous le décririez, ce qu'on vient d'entendre, Precognition? Pour vous, c'est quel aspect? C'est l'aspect psychédélique? C'est l'aspect complètement schizophrène, en fait. C'est l'aspect, ça commence très violent, extrêmement violent, et ça part sur du psychédélique. Donc ouais, c'est l'aspect, vraiment, on saute du coq à l'âne. C'est ça. Alors, justement, par rapport au psychédélisme, parce que c'est un mot qui est utilisé depuis des dizaines et dizaines d'années, pour vous, c'est quoi le rock psychédélique, clairement? Ouais, c'est difficile à définir, hein, psychédélique, c'est, je ne sais pas si c'est plus, au final. Bah, quand c'est un minimum expérimental comparé au rock de base du début des années 60, et quand c'est un minimum planant, en fait, c'est ça la caractéristique, en fait. Hein. Quand c'est un minimum planant, un minimum expérimental, c'est là où ça devient psychédélique. Un côté planant, oui, qui n'a pas forcément peur de repousser certaines limites. En termes de durée de morceau, Laurent, ça peut être court comme très long, en fait. Ça dépend. C'est comme le sexe, quoi, pareil. Ah ouais, voilà, ça peut être expérimental court, expérimental long, ou alors plat court et plat long. Plat court et plat long. C'est cool. Ouais, et c'est pour ça. Vous, si, hein, pour les auditeurs qui connaissent pas l'aspect rock psychédélique, si vous aviez un groupe à conseiller? Oh là, les Pixies, peut-être. Il y a quand même une bonne dose. Il y a quand même une bonne dose de psyché dans les Pixies au final. Hein, des fois, ça sert à rien de chercher très très loin. Enfin, évidemment pas que les Pixies, mais les Pixies, c'est déjà, je pense, un bon avant-goût de ce à quoi peut correspondre du rock psychédélique. Dans ce qui est moderne, il y a des groupes comme MGMT ou King Gizzard qui sont très psychédéliques, chacun dans leur genre. même Tio Seas qu'on a vu au Pointu. Voilà, c'est des groupes qui ont une grosse part de psychédélique. Moi, je conseillerais plutôt ces groupes-là pour ce qui est le plus moderne. Après, pour les plus anciens, il y en a plein. Il n'y a qu'à aller directement droit au bus, au but, et aller écouter les Beatles. Et là, du psychédélique, t'en as plein. Radiohead aussi. Radiohead, ouais, entre les deux, du coup, au niveau des années. Ouais, donc c'est pas vraiment le psychédélisme années 70, alors du coup, la référence, c'est pas les 13 Floor Elevator et ce genre de truc ou Grateful Dead. Ah, Grateful Dead, ouais, non, c'est pas vraiment. C'est des trucs. Oui, il y a de ça. En fait, c'est des termes qui sont vraiment connotés hyper 20e siècle. Mm. Et nous, on fait une musique résolument 21e siècle. C'est pour ça que le terme psychédélique colle pas forcément. Et en fait, c'est pour ça que je posais la question, parce que ouais. Je me semblait qu'il y avait un truc. Parce et comme des auditeurs, il y en a des vieux aussi, donc il faut remettre les choses. En fait, après, psychédélique, c'est assez bizarre, parce que psychédélique, c'est peut-être venu par le fait qu'on a croisé beaucoup de gens qui ont qualifié notre musique de psychédélique. Souvent, on nous dit, c'est vachement psyché ce que vous faites, c'est psychédélique. Enfin, c'est pas immédiatement nous qui avons décidé de faire du rock psychédélique. C'est peut-être devenu comme ça par la force des choses, mais en tout cas, oui, enfin. Indéniablement, ça s'est greffé, hein, cet aspect psychédélique, ça nous colle un petit peu. C'est pas le but, mais malgré tout, c'est devenu une part du groupe. Justement, en parlant du groupe, parce que vous êtes quatre, donc c'est quoi comme type de formation pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de vous voir sur scène? Alors, c'est deux guitares, une basse, une batterie et tout le monde au chant. En même temps? Ouais, parfois en même temps, parfois séparé avec des chœurs. C'est bien ça aussi. Il y a un peu tous les cas de figure. C'est ça. On a décidé de tous vraiment mettre un peu le. On a mettre la main au panier, on va dire. On a tous voulu chanter. Voilà, on chantait tous individuellement dans les anciens albums qui sont un petit peu plus lofi. Hein. Et là, dans les derniers albums, on a vraiment plus défini des parties. Il y a des parties chant. Chacun lead sur certains morceaux et parfois on chante tous en même temps dans les morceaux. Donc c'est vrai qu'on varie les plaisirs. Et justement, tu disais les albums d'avant étaient lofi, c'est-à-dire qu'en termes de son, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé sur le dernier? C'est la production, tout simplement les infrastructures dans lesquelles on les a enregistrées. Les trois premiers, on les a fait dans un collège désaffecté. Avec une réverbe naturelle? Voilà. Très naturelle. Une réverbe d'une salle de techno. Quoi. Ouais. Et puis c'était aussi l'envie aussi d'aller dans une direction un peu plus crade que tout le reste à cette époque-là, en tout cas, même encore maintenant, mais de manière un peu mieux produite, un peu plus travaillée au niveau des compos, au niveau des recherches des sons. Toujours le même état d'esprit, mais c'est vrai qu'au départ, on était vraiment dans un état d'esprit d'avoir un son garage, quoi. Et donc ça se ressent plutôt bien. Ça veut dire qu'en termes d'enregistrement, vous faites des overdubs ou c'est qu'une seule prise et après vous... Il y en a un petit peu. Il y en a toujours. En fait, il y en a de plus en plus. Au départ, il y en avait un petit peu, un petit instrument en plus, des petites guitares en plus. Mais on en fait de plus en plus. Mais c'est surtout les prises. On fait chacun notre prise et c'est ça qui ressort le plus dans l'enregistrement. Peu importe l'album au final. L'album qu'on vient d'enregistrer là, par exemple, on a vraiment varié, c'est-à-dire qu'on a fait des prises, on a fait des pistes séparées et on a fait aussi des pistes communes quoi sur certains morceaux. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on teste. C'est comme si on n'avait pas fini de tester. Hein, c'est quelque chose. On essaie d'être dans perpétuelle évolution pour pouvoir. On se pose beaucoup de questions. Hein, qu'est-ce qu'on peut s'offrir à nous-mêmes pour pouvoir prendre du plaisir musicalement et qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens aussi. On tient vachement compte de ce que les gens nous disent et puis on essaie d'en tenir compte. On essaie aussi de se faire plaisir, mais faire plaisir aux gens aussi. Oh, Et ça veut dire que, du coup, par rapport au, au... Quand vous faites les chansons sur scène, est-ce qu'il y a des vraies différences par rapport aux versions studio, du coup, ou ça reste à peu près sensiblement la même chose? Il y en a forcément un petit peu, vu que... En studio, en fait, on essaie de construire vraiment des albums concept avec une histoire, avec une vraie narration. Et donc, par exemple, pour lier les morceaux entre eux, on va s'amuser à faire des collages sonores et tout ce genre de choses qu'on ne peut pas forcément reproduire en live. Donc c'est un autre boulot, le live, ouais. c'est un autre travail. Faut arriver à donner, justement, c'est un défi, on en a parlé nous-mêmes, enfin, faut arriver à garder la cohérence, cette cohérence dans un live, c'est pas facile, étant donné que forcément, les albums, comme vient de le dire David, ont une cohérence, hein, l'ordre des morceaux a une importance, il y a une narrativité qu'on essaie de développer, hein, pas mal. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas forcément s'y intéresser, il y en a qui vont aussi s'y intéresser, mais en tout cas, oui, voilà, c'est le but, c'est aussi de... Et ça parle de quoi, du coup? Alors, vous dites une histoire, une narration, un truc. C'est la question qui tue, ou... Je vais laisser quelqu'un expliquer. Non. Vas-y, David. Ouais. Fonce. En fait, donc le premier album qu'on a fait avec Death to Majors Records, notre label, c'est Gathering the Wine, et là on vient d'enregistrer la suite, et c'est vraiment une histoire qui se suit, c'est une histoire à la base assez, assez basique d'un jeune schizophrène qui se fait martyriser à l'école, et puis qui finalement veut échapper au monde qui l'entoure, et aussi à ses... À la tempête qu'il y a sous son crâne, finalement. Et donc, voilà, on essaie de matiner tout ça de références bibliques, de références à physique quantique. Il y a une bonne part de science-fiction aussi. Et voilà, après, pour Quality Store, il faut écouter... ces deux albums. Voilà, puis il y a des personnages récurrents qu'on utilise, le Horny Hornet, le Roi Cobra. Le Roi Cobra, c'est un petit peu... Surtout le Roi Cobra. Voilà, c'est un petit peu le personnage principal de l'histoire, hein. C'est cette espèce d'alien venue de l'espace pour sauver l'humanité du déclin. Bon, comme ça, c'est un petit peu... Ça fait un petit peu... histoire. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est quand même de creuser, puis de voir les différentes ambiances qui s'en dégagent, et puis de juxtaposer les paroles. Des fois, on peut trouver des choses marrantes dans ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, les paroles comme les musiques, on peut les trouver où? Dans les albums. Dans les albums. Dans les livrets, ouais. On prend soin de mettre toutes les paroles. Et si on veut acheter les disques, alors on fait comment? Au concert. En concert. Il faut venir nous voir en concert. Il y a la cellule qui les a aussi. Il y a la cellule, il me semble qu'ils ont, les deux premiers, ils doivent avoir un ou deux exemplaires. Mmh. Et après, sinon, sur Bandcamp, en fait, sur notre Bandcamp à nous, et sur celui de Death to Majors, en fait, celui du label. Ok. Il faut trouver le dernier. Et vous les vendez à combien? Oula. On passe souvent par le prix libre, en fait. Au départ, le dernier, on vendait 8 euros. Ouais, ce qui reste quand même super pas cher, en vrai. Et globalement, et surtout, après notre tournée en Europe de l'Est, on est passé sur du prix libre souvent, assez souvent quand même. Et les gens donnent plus, du coup, ou en moyenne, ça revient au même? En Europe de l'Est, c'est parti assez vite, parce que justement, on a fait en prix libre. Mais ils vous ont payé que des billets de Monopoly là-bas, c'est peut-être ça. Ouais, on s'en est rendu compte après. Ouais. Mais Non, bah en fait ça dépend des gens en fait. Il y en a qui sur le moment sont un peu en galère, alors du coup ils mettent un euro ou deux. Il y a des gens qui ont les moyens sur le moment et qui peuvent mettre 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça dépend. Et nous ça nous est égal quoi, tant qu'il y a un petit coup de pouce derrière en échange de nos CD qu'on fait avec amour, c'est cool. C'est bien. Donc c'est du CD en fait, j'ai bien compris. Vous avez envisagé un jour un vinyle? Oui, le prochain sortira en vinyle. Ouais. Le prochain il sera qu'en vinyle. Ouais, c'est qu'un vinyle là, celui qu'on est en train d'enregistrer. Donc justement, c'est bien que tu poses la question parce que on change aussi de support. Ah, du coup, pour les pochettes, c'est plus sympa, il y a plus de trucs. Ouais, c'est plus. Les paroles, on les lira mieux, même ceux qui ont une vue basse. Ouais. Exactement. Donc vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans un label qui s'appelait Death to Major Records, si j'ai bien exactement. Suivi. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce label? Comment ça s'est fait la rencontre? Vous les connaissiez, vous les connaissiez pas? Tout le monde les connaît. Oui, en fait, c'est à la suite de l'enregistrement de Gathering the Wine, justement, où, qui a été enregistré par Maxime de Spitters. Et qui lui, vu que les Spitters étaient déjà dans Death to Majors, il est ensuite allé mixer et masteriser l'album au Studio 18 avec Seb. Et donc c'est là qu'on a été, pas repéré, mais en tout cas que ça a bien plu et qu'on nous a pris sur la main. Oui. Et donc un mercato réussi, donc. Exactement. On va dire ça. Ouais, c'est un label qui est, c'est un petit label, hein, mais qui a aussi pris le parti d'être un petit label pour pouvoir plus se consacrer à des groupes qui ont l'air sincères selon eux. Et puis oui, les Spitters, on les connaît, c'est des amis, hein, c'est des amis de longue date pour ma part. Bah ouais. Moi, j'ai jamais pu les gens épicer. Ça sera répété. J'espère. Yeah. Et donc, du coup, oui, ils s'occupent de la distro, de trouver les concerts ou comment ils... Non, alors on est assez libre, hein, on a carte blanche hein, du moins pour trouver les dates et pour trouver les concerts. Je pense que le label nous fait confiance et il a envie qu'on se fasse plaisir avant tout. Voilà, puis du coup, il nous finance le pressage des CD. C'est déjà, oui, ça coûte déjà des sous. C'est déjà énorme. Ouais. C'est énorme. Et les studios d'enregistrement, pareil, les sessions ? Oui, voilà. Là, le dernier album, on l'a enregistré au studio 18 directement. On avait déjà fait une live session là-bas. Donc, et là, on a carrément fait l'album entier dans le studio 18. Donc, c'est un confort en plus, en fait. Quand la live session, c'était, elle était en privé ou c'était le concert ouvert où tout le monde pouvait venir ? Non, c'était en privé. C'était, on enregistrait du coup tout. Ouais, on l'a diffusé après sur YouTube. C'était filmé et enregistré. Et donc voilà, première petite expérience au studio 18, et là du coup maintenant l'album qu'on a enregistré début juillet, et du coup on a gagné en confort, c'est pas mal. Ouais, moi ce que j'en ai vu, il a l'air plutôt pas mal comme studio en fait. C'est un super studio, il y a beaucoup de matériel, ils prennent, enfin voilà, Seb il nous prend au sérieux, il s'y met vraiment à fond dedans, c'est lui qui enregistre l'album. Il est très impliqué. Ouais, très impliqué, donc voilà, c'est plaisant pour nous, quoi, c'est bien. Ça fait du bien. Oh, On va parler un petit peu de tournée, parce que vous avez dit tout à l'heure tournée en Europe de l'Est. Et vous avez fait enfin, combien de concerts? C'est pas vraiment le nombre qui est intéressant, mais quels sont les concerts pour vous les plus marquants dans des endroits bizarres avec des premières parties? Bizarre, tu as dit la Roumanie, ça nous a bien marqué quand même. Ouais, ouais, en termes. Bucarest. En termes d'expérience humaine, de toute façon, c'était énorme. C'est des pays qui ressemblent pas du tout aux nôtres. Et c'est des paysans. Des paysans en un seul mot ou en deux? Non, j'ai pas croisé beaucoup de paysans c'est là-bas. C'est des pecnos, quoi. Autant le dire franchement. Sur leur charrette en plein milieu de la route, c'était. Non, c'est cool. C'est énorme. Puis on a été vraiment bien accueillis, hein, que ce soit en Serbie, que ce soit en Croatie, que ce soit en Roumanie. Vraiment, on est tombé sur des gens vraiment très cool. Et même quand les concerts qu'on a fait qui n'étaient pas blindés, il y avait quand même des bonnes ambiances. Il y en avait d'autres où il y avait plus de monde. Et, non, c'était vraiment une tournée qui est progressivement qui est montée dans le bon sens du terme. Il y a eu un petit incident final qui était un peu. S'il faut le raconter. Qui a fait écourter un petit peu notre tournée. Mais... Bah, je pense que si ça vous a marqué, c'est toujours intéressant de savoir. Mais après, vous pouvez sortir la version édulcorée hein, s'il y a des choses non, que. Non, c'est juste ridicule en fait. Ouais, voilà, ah, ça arrive. Hein. Ouais. Même au meilleur, on dit. On a joué donc à Bucarest, en Roumanie, donc, et j'ai oublié ma carte d'identité dans l'hôtel à Bucarest. Mmh. Ce qui fait que 3 jours après, quand on a dû passer la frontière pour aller en Serbie, le douanier n'a évidemment pas voulu nous laisser passer. Et on a donc dû annuler les 2 derniers concerts, et mes trois ouais. Mes trois copains sont partis avec la voiture, sont rentrés en France, sont allés essuyer une tempête de neige en Slovénie pour rentrer en Italie. Et j'attendais pendant ce temps à Timișoara, une petite ville en Roumanie, la carte d'identité. Ouais, Timișoara qui est très connu pour les charniers de Ceaușescu, en fait. Oui, exactement. C'est ce que j'ai pu apprendre. C'est quand même pas l'endroit peut-être le plus sympa de la Roumanie. Oh, c'est trop joli. Bon, j'ai eu le temps de la visiter en 2 jours, du coup. Ouais. C'est aussi dans cette ville qu'est partie la révolte contre Ceaușescu. Ouais. Donc, et t'es rentré comment après, du coup, là? En avion. Il passait par Londres. Ah, j'ai vu Londres, c'est très beau Londres. Les gens conduisent à l'envers. C'est surprenant, ouais, la première fois, ouais, effectivement. Et c'était des concerts qui se passaient dans quoi? Dans des bars, avec des assos qui organisent un peu comme ce qu'on a ici ou C'est des bars et des petites salles. Ouais, voilà, globalement des bars avec une petite salle à côté ou alors avec une petite scène. Il y avait des endroits cool quand même, hein, comme à Bucarest, c'était une salle en sous-sol et c'était vraiment cool, c'était rempli, il y avait du monde, il y avait du monde en haut, il y avait du monde en bas, c'était très bien. Une grosse ambiance, ouais, vraiment bon souvenir. Grosse ambiance. Il y a d'autres groupes avec vous, je suppose ? À chaque fois, c'est différent. Vous avez fait la tournée. Vous étiez seul pour la tournée ou vous étiez. On était seul, en fait. Il y a eu deux, trois premières parties. Les groupes passaient avant. Et c'était beaucoup de groupes de reprises. À Bucarest, non. Il y avait eu deux groupes, deux, trois groupes qui étaient du coin, qui étaient quand même. Qui tournaient beaucoup dans le coin, qui avaient un peu de notoriété. Et en général, on jouait tout seul, en fait. On jouait seul, on avait le temps de s'installer. Et vous avez fait comment pour trouver toutes ces dates, du coup ? On est passé par Bozo. C'est Bozo qui a fait tout. Bozo, c'est un tourneur croate. Ouais. Ouais. Tout à fait. Comme quoi le monde moderne nous révèle des surprises par moment. Il est sympa Bozo. On sait pas, on l'a pas jamais vu en vrai. Jamais rencontré. Mais oui, il a quand même plutôt pas mal fait son boulot. Ouais. Dans l'ensemble. Et grâce à lui, on a pu faire quand même un beau périple, donc on est. Merci Bozo. Vous avez réussi à financer le truc ou ça vous a coûté quelques ronds de votre poche quand même ? Ça nous a coûté quelques ronds. Ouais, mmh. Ouais. C'est. Et le problème, c'est qu'en fait, on peut pas être remboursé juste par les concerts parce qu'en fait, enfin, pour eux, 50 €, c'est gigantesque et pour nous, ça paye pas l'essence pour aller jusque entre deux villes, quoi. Donc voilà. Trop disproportionné. Les différences de coût de vie. Là-bas, c'est sûr qu'on a pu, on a pu bien vivre pendant quelques. Ouais, c'était pas cher sur place, mais après quand on a la note finale, l'essence, tout ça, on se rend compte qu'on a pour nous, mais on le savait de toute manière. Bah, il y a des gens qui payent pour partir en vacances et ça leur coûte des ronds aussi, donc là, faut le prendre comme ça. Ouais. Bah oui, exactement. On a vu des pays qu'on connaissait pas du tout, qu'on pensait pas aller visiter aussi vite en fait. Et au final, vu l'accueil qu'on a eu. Soit l'accueil du public ou soit l'accueil humain des gens qu'on a rencontrés autour, ça valait carrément le détour en fait. C'était un voyage où on faisait des concerts et c'était plutôt bien. Mais c'est vrai que ça, c'est une tradition que les Américains ont depuis très longtemps, surtout dans le domaine du punk, d'aller partir dans un van et de traverser le pays, faire 250 millions de dettes en même temps. Puis oui, après, ils ont exporté ça sur l'Europe. Mais c'est vrai que les groupes français le faisaient assez peu, finalement. Alors, c'est non, quand même... on est parti dans un Scénic. Hein. Ouais. Un Scénic, c'est encore mieux. Avec la batterie dans le Scénic, ouais, avec ouais. tout. Ah ouais, quand même. Ouais. La sono, quand même. C'est une jazzette. À part la sono, on avait tout. On avait les instrus, on avait les amplis, on avait la batterie. Et on était très confinés. Voilà. Oui, je veux bien le croire. Mais malgré tout, c'était super. Ça valait le coup de pas être en total confort. Bah oui, mais ça fait partie. C'est des voyages forment la jeunesse, comme on dit. Donc. Exact. C'est vrai. Alors autre sujet, parce qu'en fait, comment dire ? Moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette belle ville de Toulon. C'est l'expression, on dit belle ville de Toulon, même si elle est pour moi, je la trouve belle, mais voilà, c'était pas pour insister sur ce côté-là. Et ça fait 15 ans qu'on me dit, il n'y a pas de public pour le rock'n'roll, il n'y a pas de public pour, et même en arrivant dans cette radio, hein, c'était le fait de passer un peu de la musique qui fasse un peu de bruit, autre que de l'électro et du reggae, ça a été, je me rappelle comme si c'était hier que ça s'est pas passé crème quoi au début, donc ça s'est fait. Et est-ce que vous partagez vous cet avis-là, comme quoi c'est pas du tout une ville rock'n'roll, ou c'est une légende, ou c'est bien la vérité, enfin bref. Je pense qu'on est mitigé quand même. Ouais, c'est il y a des lieux qui peuvent être rock'n'roll, il y a des gens rock'n'roll, mais c'est pas la folie en termes de rock'n'roll, en termes de concerts, de public. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quand même, de temps en temps, il y a des événements où d'un coup, il y a plein de personnes, comme le Pointu. Mais après, c'est un exemple, il y a des gens qui viennent d'autres régions, voire même d'autres pays. Ouais, ça parlait toutes les langues hein, dans le public au Pointu. Voilà. Ouais, mais au niveau des concerts, des concerts qu'on fait ou que font les copains, c'est vrai que c'est pas la pure folie non plus. Il y a eu des périodes, un petit peu, par exemple, le début du Jolly Rogers, tout ça, où il y avait pas mal de monde quand même qui se réunissait. Mmh. Et c'était vraiment pas mal. Mais. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de période comme ça, de plusieurs mois, où il y a des concerts et il y a des gens qui bougent et tout. Ça fait un petit moment. Bah juste rien qu'ici, à l'époque ici à La Valette, hein, à l'époque de l'Indiana Café, c'était déjà, voilà. Selon moi, autre chose. Bah oui. Il s'est passé des trucs énormes à l'Indiana. Il y a eu de très bons concerts, il y avait des salles pleines. Et puis bon, c'est vrai que c'est mitigé à Toulon, mais ça peut sembler ridicule, mais le fait qu'on ait bougé un petit peu, qu'on ait eu la chance de faire un petit peu des concerts ailleurs, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que ça bougeait pas tant que ça ici. Il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses, mais peut mieux faire. Je pense que c'est encore à... faut que les gens trouvent plus de motivation pour aller voir les petits groupes, pour c'est important quoi, faire bouger la région. Moi, je suis d'accord avec vous dans le sens où j'ai vu la différence en 15 ans, effectivement, où ça, petit à petit, ça commençait à ressembler un peu plus à une ville occidentale, selon moi, quoi. Donc, avec des concerts, des trucs qui sortaient. Moi, ce qui m'avait marqué la première année où je suis arrivé à Toulon, en centre-ville, le 14 juillet, le port était vide. Tous les restaurateurs avaient fermé boutique et voilà, c'était assez hallucinant. Mais moi, il y a une période quand même que j'ai trouvé assez intéressante, c'est quand il y a eu à l'ancien collège Paul Langevin, la Seine, ça n'a pas duré longtemps, il y a eu quelques concerts qui ont été faits là-bas, deux ou trois, je crois. Oh, oui, bah ouais, Vivarium, bah c'est justement là-bas où on a enregistré nos trois premiers CD. C'est vrai que j'en avais eu, pour la première fois depuis que j'étais dans cette ville, j'avais l'impression de voir des vrais concerts avec une vraie ambiance et un public à l'avenant, quoi. Donc, c'était excellent, courte durée par contre. Hein. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une utopie ce lieu, c'était super. C'est Bob. Ouais, big up à Bob, connu sous plusieurs noms. On lui fait un gros big up, hein, c'est lui qui a enregistré nos premiers CD là-bas, et c'est lui qui s'est surtout un petit peu bougé pour pouvoir faire vivre ce lieu, hein, justement, ce collège, à l'époque où il y a eu de bons concerts et des bonnes ambiances. Trop courte durée, à mon avis. Hein. Ouais. Eh bien, merci à lui et félicitations. Oui, merci beaucoup, Fatou. Bravo. Bisous, Findus. On pourra mettre de la réverb sur les applications. Oui. J'en mettrai après, vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà été joué dans d'autres villes françaises, justement, pour comparer avec... Oui. Lesquelles? Marseille. On a fait Marseille. Marseille, c'est la ville où on joue le plus, au final, en fait. Il y a un accueil pas mal là-bas, et ça bouge un peu plus. Et sinon, on a bougé à Lyon il y a longtemps. Sinon, on reste plus récemment, là, on a fait Poitiers. On a fait Toulouse. On a fait Toulouse, Aix, Montpellier et on a fait Lille et Brest. Voilà. D'accord, vous n'êtes pas passé par Bordeaux en fait? Bordeaux, non. Jamais fait Bordeaux. On a essayé, mais Paris non plus. Ouais. Paris, ils veulent pas. Hein, Paris, c'est compliqué. Ouais. Mais on a eu un oui au départ, mais non. C'était peut-être oui, mais non, en fait, finalement, ça n'a pas fait. Et Bordeaux, c'est bizarre parce que c'est vraiment par rapport aux villes de cette taille, c'est celle qui est. Qui a le on va dire le plus gros public on va dire rock'n'roll, quoi. Moi, j'y habitais 5 ans, c'était impressionnant, il y avait tout le temps des concerts et on va essayer d'organiser quelque chose là-bas. On a déjà essayé mais ça, on n'a pas eu de réponse, ou alors on a eu une réponse négative. Et à Lyon, vous avez joué où? Le Capucin. Je connais parfaitement cet endroit. Ouais. Juste à côté du bar des Capucins, il y a l'église de Scientologie. Il y avait l'église, oui, c'est sur la gauche. Ouais. Et pendant des années, quand il y avait mes potes qui jouaient, quand on allait boire des coups, quand on avait besoin d'aller pisser, on allait pisser par le trou de la serrure de la porte de l'église de Scientologie. Je crois que j'ai fait pareil. Voilà. Donc si la Scientologie nous écoute, big up. Salut. Ouais. Salut la Scientologie. On pense très fort à eux. On pissera dans ta serrure, nous aussi. Voilà, oui. Donc, un petit peu... En gros, vous avez plus tourné en France ou à l'étranger, alors? Plus en France. Ouais, plus en France, quand même plus en France, ouais. Ouais, quand même plus en France. Bon, on a fait une assez grosse tournée en Europe de l'Est, mais voilà. Or, cela, on a surtout quand même pas mal joué en France. On peut jouer plus encore, hein, c'est pas... On compte bien jouer plus. Et ça fait combien de temps? Parce qu'on n'avait pas posé la question, mais ça fait combien de temps que vous existez, en fait? Depuis fin 2011. Fin 2011, oui. Ouais. Ça a commencé à se créer fin 2011. Et avec une petite pause, en fait, on a continué en fait un an et demi. Après, on a un peu déménagé, on s'est un peu arrêté justement une année. Et c'est là que Davy est rentré dans le groupe. Et quand on est tous revenus dans le coin, en fait, c'est là que ça a commencé à bouger. Donc fin 2014, je pense, non 2013, ouais, fin 2013, début 2014. Quand l'arrivée de Davy a mis un souffle nouveau. Ça a tout changé. Apporté un souffle nouveau. Hein, du rythme. Ouais. De ce que j'en ai vu sur scène, ça apporte du rythme, effectivement. Et un peu de présence physique, comme on dit. Qui nous a bien motivés. Ouais. Ouais, il y avait déjà une superbe présence physique, hein, au passage, avant. Ouais. Hugo de Gang of Fifol et Bleu Canyon, c'était une belle présence physique. Moi, j'aime bien l'avoir à mes côtés. Ouais. Il est vachement plus beau que moi. Bien meilleur aussi, mais bon, après, t'as fait ce qu'il faut, hein. T'es encore loin d'avoir son niveau, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement... Je travaille, je l'observe. Moi, je l'observe souvent. Si on parlait un peu maintenant de vos influences, c'est-à-dire pour donner des choses à écouter à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, parler d'un groupe, dire un morceau qui vous a vraiment plu et pourquoi ? Ouais, il y a un morceau qui m'a marqué, je vais partir dans les morceaux qui m'ont marqué déjà il y a longtemps. Il y a Free Imaginary Boys des Cure. C'est un morceau qui m'a beaucoup marqué en fait, parce qu'il fait... Il fait un peu guise de transition, en fait, il est sur le premier album, et où c'est quand même, il y a quand même un côté garage qui ressort et tout, et il fait la transition avec le reste qui devient un peu plus froid, en fait, et il est parfait. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que ce morceau-là, ils l'ont aussi joué, ils l'ont joué rapidement, en fait, même après l'avoir sorti, donc c'est vraiment un morceau qui a plusieurs facettes et qui fait la transition entre le Cure du début, qui est garage, c'est mon groupe préféré, hein, donc... Et toutes les périodes ? Ouais, j'aime toutes les périodes. Ouais, toutes les périodes et même. Même les récentes. Même les récentes, justement. Et je fais la guerre aux fans des Cures qui crachent sur le Cure récent et surtout sur leur batteur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils s'en prennent plein la gueule celui-là. Ouais, justement, même les récentes et ils font du très bon boulot, je trouve, en studio encore maintenant. Et après, les albums que je préfère, ça reste dans les débuts, milieu, enfin. Justement dans mes préférés, il y a le début des années 80 et aussi début des années 90, donc Wish et aussi pour début des années 80, Pornographie, Face. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font maintenant, ouais, j'adore. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle Us or Them, que j'aime beaucoup et qui est assez violent, et je pense que c'est cette facette-là qui n'a pas plu aux fans des Cure, qui n'a pas plu aux fans. Et moi, c'est cette facette-là que j'aime, que c'est ce que les Cure, ils peuvent très bien faire, un morceau qui sonne presque métal avec un producteur de groupe de métal. Mais quand même rester fidèle à lui-même, rester dans l'émotion et puis voilà, ça reste cohérent en fait. Moi je trouve qu'il y a une cohérence quand même avec ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils faisaient au départ en fait. Toujours cette nostalgie un peu, puis rien que la voix en fait, ça mène déjà une grosse cohérence. Moi, je vais parler du groupe Fat White Family, donc, qui est un groupe tout récent. C'est des Londoniens, et je les ai découverts en allant aux Eurocaennes. En regardant la programmation des Eurocaennes, on avait acheté notre billet beaucoup trop tôt, et avant la fin de la programmation, et on a vu cette programmation qui était vraiment pas terrible, et on a décidé d'écouter tous les groupes pour être sûr quand même, et puis il y a eu cette chanson de Fat White Family qui s'appelle Raining in Your Mouth, et c'était un live un peu dégueulasse, un peu mal filmé, un plan fixe un peu sale, et bon, comme dans toutes les grosses découvertes, il y a le mouvement de recul d'abord, on sait pas si c'est bien ou si on déteste, et puis voilà, finalement quand la vidéo se termine, on la relance 12 fois, et voilà, donc c'est le morceau Raining in Your Mouth de Fat White Family. Si je devais choisir un morceau comme ça, évidemment, il y en a plein qui m'ont inspiré. Mais je vais peut-être choisir un morceau de R, Playground Love, qui est en fait issu de l'album The Virgin Suicide, et qui est la bande originale du film éponyme, réalisé par Sofia Coppola. Et voilà, c'est un morceau qui me touche beaucoup parce que, comme le film, c'est vraiment un morceau qui fait fin de siècle, quoi. Ça raconte l'histoire de l'incapacité de cinq jeunes filles à devenir, à traverser l'adolescence. Et au-delà de ça, ça montre la difficulté de passer à une nouvelle ère, donc du XXe siècle au XXIe siècle. Et c'est comme une espèce de rêve éveillé. Voilà. Et c'est le morceau qui fait le thème du film, en fait, celui dont tu parles, qu'on entend tout le temps. Oui. Ouais, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est un film magnifique. Ouais. Enfin, ouais, c'est très difficile. Moi, je suis surtout d'influence punk rock. Enfin, je suis très à fond sur des groupes de punk rock, mais je vais être paradoxal parce que mon groupe préféré, ça reste Oasis. Et en fait, s'il y a un morceau qui m'a particulièrement marqué d'Oasis, ce serait Fade Away. Fade Away, c'est un morceau qui est sur leur album de Master Plan, c'est-à-dire c'est leur album de B-side. C'est pas un album très connu d'Oasis. Et Fade Away, c'est un morceau qui a beaucoup d'importance pour moi parce que je l'ai découvert, j'étais au lycée, et pour moi les genres devaient être très tranchés, c'est-à-dire que du punk rock, pour moi ça devait être du punk rock, du métal, ça devait être du métal. Et en fait je me suis rendu compte qu'Oasis, au-delà de leurs morceaux plutôt les morceaux qu'on entend à tout va à la radio, bah il y avait un côté punk dans Oasis, clairement. Fade Away, c'est pour moi vraiment l'exemple qu'un groupe de pop rock peut vraiment faire du punk rock. Et ça m'a beaucoup surpris. C'est un morceau que j'aime énormément et du coup qui est un petit palier, on va dire, dans ma vie d'auditeur, quoi. Alors nous sommes toujours donc sur Lost in Space avec Bender pour cette belle soirée de dimanche soir et on va parler maintenant un peu plus de nouveautés musicales et sachant est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, quand je dis quelque chose, un groupe ou un disque qui vous a particulièrement marqué ces derniers temps? Alors moi en particulier, ouais, je pense qu'on est tous dans ce cas, mais enfin j'ai pas je pense être un petit peu seul pour le coup, mais il y a un album qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier Satanic Surfers qui s'appelle Back from Hell. Bah, t'es pas seul, mec. Et voilà, j'ai peut-être dévié David un peu moins, mais Jérôme et moi, enfin, moi, j'ai pris une grosse claque avec cet album qui est récent et qui vraiment est toujours ce qu'était Satanic Surfers, que j'aimais moi chez Satanic Surfers, c'est-à-dire un fast mélo vraiment expéditif, mais là on a quelque chose d'encore plus chiadé, on sent qu'ils prennent vraiment une dimension, il y a un petit peu une maturité, un petit peu comme les nouveaux Propagandhi par exemple, qui cherchent un son peut-être plus technique, il y a un enregistrement aussi qui joue beaucoup et qui gonfle la dimension de ce qu'était Satanic Surfers, et c'est juste génial. Il y a un morceau qui m'a particulièrement marqué sur Back From Hell, c'est Catch My Breath, c'est de la bombe. Je conseille vivement. Voilà, si j'avais un morceau à conseiller à tous les fans de punk rock qui se disent on a plus de punk rock, ça sort plus, bah si, il y a le dernier Satanic Surfers qui vraiment défonce. Ça, c'est mon coup de cœur. Moi, ça fait quelques années maintenant, mais il y a King Gizzard qui c'est le groupe, enfin de ce que j'ai découvert récemment, c'est le groupe qui reste parmi mes préférés en fait des groupes récents. Et pour ceux qui connaissent pas, voilà, enfin eux aussi c'est un gros mélange de plein de choses. Ça, c'est pas comme nous, mais on fait pas du tout la même musique, mais c'est quand même vachement varié. Ils peuvent faire des albums qui sont basés sur quasiment qu'une ligne de basse ou sur une note et ils font évoluer tout ça, ou alors ils font des albums qui partent dans tous les sens avec des morceaux tout doux, tout psyché, des morceaux un peu plus vifs et tout. Et c'est un groupe que je trouve vraiment original, qui compose énormément de chansons en très peu de temps. Moi, j'aime bien les groupes comme ça, ça peut saouler, je comprends, mais moi, j'adore justement ça, les groupes qui envoient plein de trucs, tant que ça reste fidèle, tant qu'il reste une patte. Parce que c'est pareil, progressivement, il y a de plus en plus de voix, en fait, il y a de plus en plus de gens dans le groupe qui chantent. Et en fait, il y a quand même une cohérence, et je trouve ça excellent. En fait, c'est ça qui me plaît le plus dans un groupe. C'est un groupe qui arrive à varier et qui arrive à rester cohérent. Pour moi, il y a pas mieux, en fait. Et pareil, qui arrive à délivrer beaucoup d'énergie, qui arrive à faire des morceaux planants. C'est un truc, c'est une approche que j'aime énormément. Puis en plus, j'ai découvert ça en sortant de l'hôpital après un petit truc pas cool. Donc voilà, ça fait bien plaisir comme groupe. MST. Non. Non, en plus ça se pouvait pas à ce moment-là. Les MST, c'est cool avant, mais après moins. C'est à peu près les seules maladies où que tu t'amuses à attraper. Une bonne petite MST, c'est vrai que ça change la vision des choses, hein, parfois. Ça. Rattlesnake. Moi, il y a un label que j'aime beaucoup en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à écouter un petit peu ce qu'ils faisaient. C'est un Howlin' Banana Records, c'est le label breton, je crois. Et il y a pas mal de groupes assez variés. Bon, ça reste dans un genre de garage un peu à l'américaine, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces groupes qui sont dans ce label font un garage à l'américaine, un faux garage à l'américaine, donc avec tous une petite patte particulière. Et cette année, il y a déjà 2 albums qui sont déjà dans mes coups de cœur de l'année. Il y a l'album de Caviar Spécial et l'album de Volage qui est vachement bien aussi. D'ailleurs, ils ont fait une reprise, il me semble, sur ce label. Ils ont fait une compilation de reprises des Ramones avec des gens comme Caviar Spécial, Volage et puis d'autres du label aussi. Ouais, qui est super bien d'ailleurs. Qui rend un bel hommage aux Ramones parce que les chansons, elles sont pas massacrées, elles sont vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment. Non, c'est des groupes hyper talentueux. Puis c'est marrant parce que quand on voit un groupe qui commence à émerger un peu en France et qui colle un petit peu à la ligne, on peut faire les paris. Ouais, dans 2 mois, ils sont signés chez All In Banana et ouais, c'est ce qui se passe. Non, c'est vraiment un bon label. Il y a TH d'Afrique aussi sur ce label qui fait. Avec un collectif, ils font un EP par jour. Là, ils viennent de s'arrêter. Ils en ont fait 100, du coup, un EP par jour pendant 100 jours. Avec un petit collectif comme ça. Puis c'est des bons EP à chaque fois. Bon, enregistré un peu à l'arrache, mais toujours du bon. For 2 years, doing the city job. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, Radioactive. On a eu notre émission spéciale, en tout cas la première partie de l'émission avec Bender, un groupe psyché, punk, pop, surf de Toulon et de ses environs, et que l'on retrouvera pour la deuxième partie de l'entretien d'ici deux semaines environ. Et juste avant, à l'instant, on vient d'écouter une autre gloire locale, Taïwan Balek. Ça sort de leur premier album, 6 titres, et le morceau, c'est Daisy. C'est donc la fin de la première partie de Lost in Space. Il est 23h passé de quelques minutes. On va continuer en deuxième partie dans des choses plus expérimentales. Et à l'occasion, je vais vous passer une émission enregistrée le 10 juillet 2003 sur une radio FM qui s'appelle Résonance FM, située en Angleterre. Et en fait, cette émission, elle est réalisée spécialement par le magazine Wire, alors W-I-R-E, à ne pas confondre avec le magazine américain Wired, avec un D qui est plus un truc de geek technophile. Là, Wired, c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le magazine, il y a marqué Adventures in Modern Music, des aventures dans la musique moderne, contemporaine et extrêmement bizarre. Donc tout ce qui va bien pour cette deuxième partie de Lost in Space, c'est parti avec le show de Wired.